Et aussi, je les salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions notre Dieu comme il nous a accordé la journée d'aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver ici. Et cela, c'est pour écouter la parole de Dieu. Sans tarder, nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre notre écriture habituelle depuis le mardi. On a un Pierre. Petro Wakwanza. Chapitre yake premier, verset yake 17. Sura ya kwanza na musari ya 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon les œuvres de chacun, na kama mukiita sawa baba ule kuna hukumu kufuatana na matendo ya kila mmoja, sans exception de personne, bila kufanya ubaguzi ya watu, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, mupate basi kujiongoza na boka mwakati yenu ya safari hapa pa dunia. Hebreux chapitre 13, wa Hebrania sura yake 13 verset 14. Musari ya 14. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente. Kwani hapa pa dunia hatuna hapo na mji ya ugawia. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Lakini tuko natafuta mji ile kunakuja. Niko naomba. Je vais prier. Tuko nakupikia asante mfalme na Mungu wa kumbingu. Nous te remercions Seigneur et roi du ciel. Juni we ulichikia hii mkusanyiko ipate kuyako. Parce que c'est toi qui a permis la réunion d'aujourd'hui. Sawa banadamu tuko nakukotola kwa mingi. Comme des humains, nous avons beaucoup de fautes. Tuko nakulomba buluma moyote le tulifanya inja mapenzi yako. Nous te demandons pardon dans tout ce que nous avons fait contraire à ta volonté. Tuko nakualika Seigneur upate kuya katikati yetu. Nous t'invitons Seigneur de venir au milieu de nous. Juni we ulisema mneno yako. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole. Mtu ashitaweza kuishi kwa chakula tu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Lakini eko naishi kwa neno yote yenye kutoka mkinywa kwa Mungu. Mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Kila wakati we Mungu uko natukusanisha. Chaque fois que toi Dieu tu nous réunis, unaikalaka paka na quelque chose ya kutuambia. Tu as toujours kitu fulani à nous adresser. Na ile yote natokaka mkinywa kwako Seigneur. Et tout ce qui sort de ta bouche Bwana, inaikalaka mkutusaidia juu ya maisha yetu. Ça nous aide dans notre vie. Kumbe ushuke tena mshiku ya leo. Alors descend encore aujourd'hui. Banduku na badada walikuwa paifu ashitangia asubuhi. Des frères et des sœurs étaient ici depuis le matin. Ujibu kila ombi ilifanywa paifu ashi. Puisse-tu exaucer à toute la prière qui t'a été adressée. Na kila nduku apate kuona mkono yako ndani ya maisha yake. Afin que chaque frère puisse voir ta main dans sa vie. Tukunapenda we Mungu pate kuvuma katikati yetu. Nous voulons que toi Dieu tu puisses te glorifier au milieu de nous. Upate kutubariki. Puisse-tu nous bénir. Yote jua kavumu ya njina yako. Tout ceci c'est pour la gloire de ton nom. Mungine Yesu Kristu nakulomba hivi. Au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mnaweza kuikala. Vous pouvez vous mettre. Tuonaendelea tena tuseme iko mshiku ya leo. Nous continuons encore pour parler aujourd'hui. Juya ici je tulianza tangia mardi. Concernant ce sujet que nous avons intitulé depuis le mardi, kusema pai dunia aina fuashi yetu ya kuishi milele. Ici sur la terre, nous n'avons pas une cité permanente. Hatuna na fuashi ya kukawia pai dunia. Nous n'avons pas une demeure éternelle sur la terre. Bien que bantu banegalaka mukuishi beko na sabu, bien que les gens qui vivent des fois ils oublient. Na pasha kila wakati kukumbusha mwanadamu juu ashika wake na kusabu. Il faut chaque fois rappeler l'homme pour qu'il ne puisse pas oublier. Aina kwa bule Mungu alitupatia hii mjumbe. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ce message. Ni mjumbe ile kwa mtu yote mwenye kuya normal. C'est un message pour tout homme qui est normal wa kweneana. Inapasha kumkaburia kufikiri. Ça doit lui donner la matière à réflexion. Ni mujumbe ya kila ndugu na kila dada kufikiri. C'est un message pour chaque frère et chaque sœur afin qu'il puisse méditer. Na kujiuliza wakati bujima wake butashimama. Et qu'il se pose la question lorsque sa vie va s'arrêter. Atenda wapi? Où est-ce qu'il va partir? Ju neno ya Mungu iko na kuambia wajiwaji kusema. Parce que la parole de Dieu te dit ouvertement que. Auna walote pai dunia. Tu n'es pas éternel sur la terre. Uko muntu wa mashiku mufupi. Tu es un homme de courte durée sur la terre. Na kumwenda mashiku bujima bwako utashimama mu dunia. Au fil des jours, ta vie va s'arrêter sur cette terre. Lakini Mungu wa mbingu. Mais le Dieu du ciel. Mwenye kuya mwema kwetu. Qui est trop bon pour nous. Ashikutuacha shituanze kuishi pa hii dunia sawa banyama. Il nous a pas laissé vivre sur la terre comme des animaux. Shiwe kama banduku na badada beko nashikia kile roho iko nasema ku kanisa. Je ne sais pas si les frères et les sœurs comprennent ce que l'esprit dit à l'église. Juu kama mtu ana comprendre ça veut bari comprendre mu Biblia. Si quelqu'un comprenait comme on avait compris du temps de la Bible. Na wajia kusema ba mingi banapasha kutula bitu bile basha kukole kole mu maisha yabo. Je pense que nombreux devaient déposer beaucoup de choses qu'ils ont collées dans leur vie. Kama mtu ana comprendre i message. Mais si quelqu'un comprenait ce message. Mungu abate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Jana tulianza kusema hivi kule kumangaribi. Hier on était en train de dire ceci vers le soir. Mukonesha banduku na badada. En montrant aux frères et aux sœurs. Kusema mtu anaweza kuwa anapanda anashuka. Que l'homme peut monter et descendre. Anafanya ma voyage. Il peut effectuer des voyages. Bado anafanya ma voyage mu magari. Il y en a qui effectuent des voyages à bord de véhicules. Bengine anafanya kuma moto. Les autres à bord de moto. Bengine kuma avion. À bord, les autres à bord d'avion. Kuna bantu beko paka ma safari paka. Vous allez voir des gens ne font que voyager. Mashiku yabo yote beko naipitisha paka mu safari. Dans toute leur vie ne font que voyager. Na ba mingi beko nashituka bujima bobo wanafika kumwisho. Et nombreux ils sont surpris leur vie s'arrête. Jana tuliambia banduku na badada. Hier on a dit aux frères et aux sœurs. Kama ile mashiku yote na mavoyage kunafanya. Et si tout ce temps là avec ces voyages que tu effectues. Unashinda mu mashiku yako ya padunia kupata Roho Mtakatifu. Tu échoues dans ta vie de recevoir le Saint-Esprit. Unashinda kuzalika kwa mara ya pili. Tu manques de recevoir la nouvelle naissance. Kumwisho ya mashiku yako kule. À la fin de ton séjour sur la terre. Utahuzunika sana. Tu vas beaucoup regretter. Ndio vile tulisema kumangaribi kule. C'est comme ça qu'on a dit hier vers le soir. Mambo aina hapa ukingariki na tuntuka. Ce qui est important ce n'est pas pendant que tu vis encore. Mambo ni pale utaona kusema hauna tena na kitumaini cha kuishi pa hii dunia. Ça sera un problème lorsque tu verras que tu n'as plus de l'espérance. Unaanza kwenda sasa mu mambo ya bia kweli. Maintenant tu es en train de vivre la réalité. Parce que maisha hii tuko naishi pa dunia yoni ya bongo. Parce que la vie que nous menons sur la terre c'est une vie. Bintu tuko naona pa dunia ni paka bia bongo. Tout ce que nous voyons sur la terre c'est un mensonge. Ni wakati mushima buna mais c'est seulement lorsque ta vie va s'arrêter. C'est alors que tu vas vivre maintenant la réalité. Mais kama mumashiku yako nduku. Si dans tes jours mon frère. Mumashiku yako dada. Dans tes jours ma soeur. Ulikuwa paka kupanda kushuka. Tu ne faisais que monter et descendre. Na kujunguluka juu kutafuta vitu vya dunia. Et tournoyer pour chercher le bien matériel. Kama unapitisha mashiku yako tu vile. Si tu as traversé toute ta vie seulement en faisant cela. Bila we kuzalika mara ya pili. Sans être de nouveau. Bila we kupata Roho Mtakatifu. Sans recevoir le Saint-Esprit. Kule kumwisho ya mashiku yako kule. Vers la fin là de tes jours sur la terre. Utahuzunika sana. Tu regretteras. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Utaregrete mashiku vile ulipitishaka. Tu vas regretter du fait que tu as perdu na utajionaka bumbafu sana. Tu te considéreras vraiment insensé. Kupitisha tu mashiku yako mkutuntuka pa mamoto. Perdre le temps en dandina sur les motos. Mkutuntuka pa mavion. En dandina sur les avions. Mkutuntuka mumagari. En dandina à bord de véhicules. Mkuikala mumasalo ya bien. Ah, restant dans des bons salons. Utawajia sa uko wa milele. Croira que tu es. Unasahabu na kusahabu kusema. Tu as oublié même que. Uko kiumbe kia waka. Mashiku yako iko na pafashi pale tashimama. Tes jours vont s'arrêter. Wewe unaanza pa kufurahiwa na bintu vya pa hii dunia. Et toi tu ne fais que tes jours de choses de ce monde. Utahuzunika sana. Tu vas beaucoup regretter. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Wakati utaanza ku regretter. Lorsque tu vas commencer bule à regretter. Ule bumbafu bwako bule ulifanyaka. De ta sottise que tu avais faite. Akuta kwa tena kia wewe kufanya. Tu n'auras plus rien à faire. Parce que wakati ile wewe ulikuwa na possibilité. Parce que lorsque tu avais encore des possibilités. Ya kutayarisha avenir yako. De réparer ton avenir, préparer ton avenir. Jo ile uripitisha mkupanda na kushuka. C'est ce que tu avais perdu en montant et en descendant. Mukutafuta bintu bila biweze kukusaidia baadaye. À la recherche des choses qui ne pouvaient pas t'aider à l'avenir. Utaregrete sana. Tu vas beaucoup kuzunika. Utauzunika sana. Tu regretteras beaucoup. Utajiona bumbafu. Tu te considéreras comme insensé. Leo wakati unashikia sauti ya Mungu. Mais aujourd'hui pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Na Mungu anakuambia wajiwaji kusema. Et que Dieu te dit ouvertement. Que sur cette terre. Atuna aina fwashi ashiku ikala hapo lote. Nous n'allons pas y habiter éternellement. Ata unayenga nyumba. Même si tu construis une maison. Una salon ya bien. Tu payes un bon salon. Una mavalizi ya mavazi. Il y a des valises. Na uko na magaranti kuma société. Il y a des garanties dans mais uyue kusema. Mais sache que. Mashiku yako wana pale ndashimamaka. Tes jours vont s'arrêter un jour. Maintenant mambo yawe kujiuliza. C'est qu'il faut te poser comme question. Ni wakati pale ndashimama. C'est lorsque ta vie va s'arrêter. Utaenda wapi? Où iras-tu? C'est ça la grande question, il ne faut pas être insensé. C'est la vérité. Nikweli, que Dieu vous bénisse. Ce qui embrouille beaucoup les gens sur la terre, ils échouent de raisonner comment est-ce que leur vie va s'arrêter. Lorsqu'on dit à une personne que tu es temporaire, un homme normal va se préparer à partir de ça. Mais pourquoi les gens ne se préparent pas? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous a bangaïcha. Bangaïcha des frères et des sœurs. Nitama. C'est la convoitise. Mungu wote umbariki. Que Dieu vous bénisse. Joyeux les tourismes jana kule kumangai. C'est ce qu'on a dit même hier vers le soir. Angaria frère. Regarde mon frère. Angaria dada. Regardez ma sœur. Tamani kitu kimo kibaya. La convoitise c'est une mauvaise chose. Ni muzizi moya mubaya. C'est une très mauvaise racine. Ile inachaka mtu paka mu distraction. Qui laisse l'homme dans la distraction. Parce que mu bintu bile biko na tamani weye. Dans les choses que tu convoites. Bile roho yako na tamani sana. Que ton cœur convoite. Sa moya utabipataka. Des fois tu ne peux même pas les avoir. Cette grande convoitise qui est en toi, ça te laisse seulement en distraction en cherchant d'être comme en cherchant d'être comme mais pendant que tes jours sont en train de terminer. La convoitise n'a jamais été une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, ma soeur. Un véritable enfant de Dieu. Il doit nécessairement chercher ce qui est important. Et c'est là qu'il va consacrer tout son cœur. Ce n'est pas convoiter les choses matérielles. Non, mon frère. Dada. Non, ma soeur. Regardez, depuis la chute de l'homme. Mushamba ya Eden. Dans les jardins d'Eden. Frère, mutu pa dunia ko paka wa mangaiko. L'homme sur la terre, il est toujours souffrier. Jia nini ko wa mangaiko. Pourquoi il est toujours agité? Parce que mbele nzambi inge pa dunia. Avant que le péché n'entre dans le monde, mutu alikuyaka mushirika na Mungu. L'homme était en communion avec Dieu. Na Mungu njo alikuwa natoshea roho ya mtu. Et c'est Dieu qui se plaisait de l'homme. Mungu apate kumbariki. Mais wakati mutu aringisha zambi frère. Lorsque l'homme a introduit le péché. Mutu akanguka. Et que l'homme était tombé. Ndani ya maisha ya mtu. Dans la vie de l'homme. Munaisha kuya ntundu. Il y a maintenant un vide. Ile hakuna kitu kitayazaka ile ntundu. Que personne, que rien ne peut combler. Est-ce que tu pas moya? Sommes-nous ensemble? Hakuna kitu kitayazaka ile ntundu. Il n'y a rien qui peut combler ce vide. Mubitu biote mutu anapata pa dunia. Dans tout ce que l'homme peut avoir sur la terre. Abiweze kumuyaza pa ile ntundu. Ça ne peut pas combler à ce vide là. Hakuna namna. Il n'y a pas moyen. Mutu anaweza kusema. L'homme peut dire. Kama mimi naenga kwanza nyumba. Si je construisais une maison. Roho yangu itakuwa bien. Mon cœur sera à l'aise. Ni bia bon. C'est faux. Uliza bale bote beko na manyumba. Pose la question à tous ceux-là qui ont des maisons. Beko na fo paka hii mwaka wanaitengeneza hivi. Il faut que cette année il modèle, il change. Hii mwaka wanaitengeneza tena. L'année prochaine il change encore. Hii mwaka wanaitengeneza. L'année suivante il change. Sasa manga iko ya mwanadamu. L'agitation de l'homme. Kisha ye kuanguka. Après sa chute. Ni manga iko moya. Ce sont vraiment des agitations. Hakuna kitu kile kinaweza kumsaidia. Inyari yake pele. Tu ile ilikuwa furaha mwanadamu mbele ya kuanguka. Ilikuwa ni presence ya Mungu mu maisha yake. C'était la présence de Dieu dans sa vie. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Tu ile ilikuwa furaha yake. Voilà ce que était la joie de. Maintenant ule Mungu. Et maintenant que c'est. Alianza kufanya furaha ya mwanadamu. Faisait la joie de. Mtu kisha kutenda zambi. Après que l'homme ait péché. Akachana na Mungu. Il s'est séparé de Dieu. Mtu akakuwa paka wa kuhangaika. Na ndani yake mnakuwa ntundu ila yalake. En lui il y a un vide qui n'est jamais comblé. Hata kama banakupatia magari yote frère ya mtu ni. Même si on te donne toutes les voitures du monde. Roho yako haita yalaka. Ton cœur ne sera jamais satisfait. Hata kama banakupatia batu bote mamkambo banakupa manyumba na kwa yako. Même si on te donne toutes les maisons. Wewe unaanza kuripisha makuta wanaanza kupatia paka wewe. Tu fais maintenant payer les loyers. Roho yako haita yalaka. Ton cœur ne sera jamais satisfait. C'est pourquoi mon Dieu m'a fugugia. C'est pourquoi l'homme est en train de poursuivre. Bah tu m'as Mungu mu Biblia. Les serviteurs de Dieu dans la vie. Parisema hii dunia. Ils ont dit que c'est. Iko sani kufugusha mpepo. C'est comme la poursuite de vent. Est-ce que tu pamoja? Sommes-nous ensemble? C'est comme mon Dieu m'a ici ça qu'on a fugusha mpepo. L'homme est en train de vivre comme quelqu'un qui poursuit le vent. Hakuna kakabaila kile kitamsaidi. Il n'y a rien qui peut t'aider. Mu dunia humu. Dans ce monde ici. Hata uzale watoto. Même si vous avez des enfants. Hata wewe bibi. Même si vous avez une femme. Roho yako. Ton cœur. Haitatosheka. Ne sera jamais satisfait. Hata kama unakuwa na mavalizi ya manguo je. Même si tu as des valises d'habits. Même si on te donnait 50 femmes, ton cœur ne sera jamais satisfait. Parce que l'homme, après sa chute, il est devenu errant, agité. C'est pourquoi l'essentiel que l'homme devait chercher, c'est la vie de son âme. Voilà la chose pour laquelle il devait se préoccuper. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. C'est ce que ça devait être la préoccupation première. Il ne faut pas vous préoccuper de 20 choses. Tu perds ton temps dans de 20 choses. Tu le regretteras plus tard. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous sommes à Diana Mouila Ndiko. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons lu cette écriture. 1 Pierre chapitre 10. Petro wa kwanza sura ya 10. Si sura ya pili. Deuxième chapitre verset 10. Verset 11. Musara ya 11. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Huyu mtu wa Mungu yuko nasema. Cet homme de Dieu dit. Benye kuya bageni na basafiri. Nous sommes étrangers et voyageurs, tunapasha kujiziwiza na matama ya mwii dunia. Nous devons nous abstenir de toute convoitise de frère, ce monde. Unaona hii dunia. Voyez-vous ce monde que vous voyez. Dunia kama iko kile iko leo. Si il est ce qu'il est aujourd'hui. Ni juu ya tama. C'est à cause de la convoitise. Frère, tama ni kitu kimo kibaya. Mon frère, la convoitise. Kinatoshaka bantu mingi sana mapenzi ya Mungu. Vraiment, ça sorte beaucoup de gens de la volonté de Dieu. Tama ikalaga kitu kizuri. La volonté et la convoitise n'a jamais été. Na kama mtu yuko naishi mwii dunia. Si l'homme vit sur la terre, bala kupata Yesu Kristo. Qui n'a pas encore reçu. Dans maisha yake. Dans sa vie. Ni mtu wa mangaiko. C'est un homme d'agitation. Na ile tama itatoka. Et cette convoitise pêche jamais l'équilibre. Regardez même du temps de la Bible. Juu ya tama. À cause de la convoitise. Shetani bali mupresipite mumbingu. Satan était précipité du ciel. C'est à cause de la convoitise. Si vous regardez à cause de la convoitise, mwakati ya Bible, du temps de la Bible, Caïn avait tué son frère. Paka juu ya tama. À cause de la convoitise. Juu ya tama. À cause de la convoitise. David aliuaka Uri akabeba bibi yake. David avait tué Uri et prendre sa femme. Saka tama ikalaga kitu kizuri frère. La convoitise n'a jamais été. C'est ça bageni na basafiri. Nous comme étrangers voyageurs. Tuna pata kukombania manafsi yetu. Nous devons vraiment combattre pour notre âme. C'est la vérité. Nikweli. Parce que wakati bujima butashima. Parce que lorsque la vie va s'arrêter. Mungu atakuuliza ma réalisation ulifanyaka pa. Dieu ne peut pas te demander les réalisations que tu as faites sur la terre. Hapana frère. Non mon frère. Hapana da. Non ma sœur. Unaona mu Biblia. Voyez-vous dans la Bible. Il y a une écriture dans la Bible qui dit ceci. Nimu 1 Timothée. Nimu Timothée wa kwanza. Tusome mbele l'andiko. Lisons d'abord cette écriture. 1 Timothée. Timothée wa kwanza. Chapitre yake 6. Sura yake ya 6. Niko na besoin verset yake 8. J'ai besoin du 8e verset. Mais je commence par le sixième verset. C'est en effet une grande source de gain. Diapo ni chemchemu mkubwa ya faida. Que la piété avec le contentement. Utawa pamoja na kutosheka. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Wani atukulete kitu mudunia. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Ni hakika kwamba tuwezi kubeba mukitu. Si nous avons la nourriture. Kama tuko hako tu na chakula. Et les vêtements. Navazi. Cela nous suffit. Bile, binetueneya. Mungu abote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Angaria frère. Me regarde mon frère. Hakuna ndugu hata moya au dada moya. Ni aucun frère ni une sœur. Ule atakuyaka na kwa kia kujihesabia kule ku trône de jugement. Qui peut avoir des excuses devant Mouma les gens. Mumashiku ile alipitaka pa dunia. Dans ces jours qu'il a traversé sur la terre. Anashindwa kwa kuzalika mara ya pili. Et qu'il a manqué de naître de nouveau. Anashindwa kupata Roho Mtakatifu. Il a manqué de recevoir le Saint-Esprit. Hakuna kile mtu atajihesabia. L'homme ne peut jamais se justifier. Parce que c'est là qu'on a kwa Mungu. Selon la façon de voir de Dieu. Kama mtu yuko tu na chakula. Si l'homme a seulement la nourriture. Na yuko na nguo. Et il a aussi les vêtements. Parce que Biblia iseme manguo. Parce que la Bible n'a pas dit beaucoup. Parce que tu connais somme pamoja. Je pense nous lisons Biblia inasema nguo moja. La Bible dit un seul vêtement. Nguo moja. C'est-à-dire un seul vêtement. Na chakula ya kula leo. Une seule nourriture pour aujourd'hui. Inaenea juu mtu azalike mara ya pili. Cela suffit pour que l'homme puisse naître de nouveau. Parce que tu pas ensemble. Il a né à Jumutu à combattre pas de Rome d'Agatifu. Ça suffit pour que tu fasses un effort pour naître de nouveau. Mutu à tamou à Suez de personne ne peut être justifié. Kama tu na chakula. Si nous avons la Kama tu nauliza mwikani. Si nous posons la question dans cette. Ni nani ule jana alilala na njala wewe kilole. Qui est celui-là depuis hier il n'a pas mangé qui lève sa main? Ni nani katikati yetu? Qui est celui-là? Ashina na nguo ya yeye kuvuala. Il n'a pas même un seul habit à porter. Maintenant mtu wa ile namna. Une personne pareille. Ataweza kwenda kujijustifier. Mais peut-il se justifier? Mungu wote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Mumaisha yangu mkambofu. Kama via kama. Nilishindwa kupata Roho Mtakatifu. Je manke de. Tushikukua tena nguo moja ya kuvuala. Nashikukua napata chakula ya mikuria. N'avait même pas la nourriture du jour. C'est que chez bon David tu quoi hapa? Nous tous tels que nous sommes là. Hakuna mtu hata moja atajihesabia. Il n'y a personne qui peut. Parce que Biblia iko nasema. Parce que la Bible. Kama tuko na chakula na nguo moja. Si nous avons la nourriture et les vêtements aussi. Inaenea. Cela ça nous. Tu ya mtu kujikonsentrer ku mambo ya Mungu. Pour se consacrer à la parole de Dieu. Inaenea. Cela ça nous suffit. Kama tuko na chakula na nguo ya kuvua. Mais si nous avons la nourriture et les vêtements. Mais ibi bitu biote frère ba tubeko na ngaikia. Le reste des choses pour lesquelles les gens se préoccupent. Beko na biangaikia ni juu bende nabe kumbingu ou bien ni. Est-ce qu'il les cherche pour aller avec au ciel ou quoi? Angaria frère. Regarde mon frère. C'est que kila ndugu na kila dada. C'est-à-dire chaque frère et chaque soeur. Sa vile tulikuria jana. Comme nous avons mangé hier. Na tuko kila mtu na nguo. Et chacun de nous a un vêtement. Ni kusema shibote tuko na droit ya kuzalika mara ya pili. C'est-à-dire tous nous avons le droit de naître de ya kuya na Roho Mtakatifu. Nous avons le droit de recevoir le Kama ina vile. Si tel n'est pas kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque soeur. Atendaka kusamba. Il sera jigé. Na Mungu atamurizaka. Et Dieu lui demandera. Mumashiku ripitisha pa dunia. Ile nilikupatia mashiku. Qu'est-ce que tu faisais dans les jours que j'étais loti de vivre sur la terre? Qu'est-ce que tu faisais? Tu resteras bouche bée. Parce que tu n'auras aucune raison à avancer. Devant Dieu, tu ne diras rien. Parce que kama ukupata Roho Mtakatifu. Si tu n'avais pas eu na kuzalika mara ya pili. Ni jumu roho yako ulikatala Mungu. C'est parce que dans ton cœur si ama tu avais refusé Dieu. Mungu alijarange muvi yako. Dieu s'est arrangé dans ta vie. Akupatie ko chakula. Qui te donne la nourriture. Na akupatie ko nguo. Et qui te donne na. Tena hauna tena nguo moja. Il n'en a même pas un seul. Uko na manguo ya mingi. Il y a beaucoup d'habits. Mais uko paka monte. Monte, uko paka mu mabalabala, uko paka kulikazi kulubumbashi, kumbe uko natafuta nini, na mashiku yako kwa mfupi, utai regretaka, tu le regretteras plus tard. Mungu apate kubariki. Oh, mubiri kumbe tushitumike tena. Alors qu'on arrête de travailler. Mutu kama ana na Mungu, ana na droit ya kutumika. Si l'homme n'a pas Dieu, il n'a pas les droits non plus de travailler. Amuyuake vile. Ne le savez pas. Kumbe uko natumikia nini? Pourquoi est-ce que tu travailles? Avantage mubile uko natumika ni nini? Quel est l'avantage que tu kama mashiku yako inashibama utapotea. Si tes jours là ça. Na bila utapata pa dunia bitabakia na balevi batabikuria. Tu sais que tu auras eu sur la terre ça. Kumbe kuhangaika ulikuwa unahangaika tu yani. Pourquoi est-ce que tu étais agité monter descendre? Ulikuwa unahangaika nini? Pourquoi qu'est-ce que tu cherchais? Angalia frère. Regarde mon frère. Kila neno ya Mungu unasema leo hautaki comprendre kama comprendre. C'est que la parole de Dieu dit. Mais si ko bujima utashibamaka. Les jours que ta vie va s'arrêter. Utaona kusema ulifanyaka kosa munene. Tu verras que tu avais commis une grosse erreur. Hautaenda na bibi yako. Tu peux pas aller avec ton épouse. Hautaenda na bwana yako. Tu n'iras pas avec ton mari. Hautaenda na batoto yako. Tu n'iras pas avec. Na yenye plasma ile ulikosiaka Roho Mtakatifu. Même les plasmes pour lesquels tu as gari ulikosiaka Roho Mtakatifu. La voiture pour laquelle hautaenda nayo. Tu n'iras pas avec. Utabaki kuacha wewe peke. Tu vas rester seul. Ndio unaanza kujiuliza. Kama nilianza kutumikia tu nini? Je, pourquoi est-ce que j'ai travaillé? Mungu sacrifier maisha yangu. Ah, sacrifier toute ma vie. Alors que kulikuwa possibilité. Mama siku yangu juu injili ilikuwa inahubiriwa. Parce que l'évangile était encore prêché. Ile mimi nilipasa kujama nayo. Je devais me cramponner. Kama mimi sifike kuniko. Alors je ne pouvais pas arriver là où je suis. Uta regretter ça. Tu vas le regretter amèrement. C'est la vérité. Ni kweli. Ukupanga natumika ona ma hectare ya mashamba. Tu ne fais que travailler. Te voilà avec beaucoup d'hectares de champs. Mumikono yako muko mabilonda ovyo. Dans tes mains il y a beaucoup de Mumikulu mabilonda. Mikono na kwa samanzaka. Tu as des mains avec des gerçures partout. Mais una na Mungu. Mais tu n'as pas Dieu. Comment on a tout on a engagé rien. Alors pourquoi est-ce que tu es agité? Tena weki umeka wakati. Pendant que tu es une créature temporaire. Uko mujinga? Tu es un insensé. Angalia frère. Regarde mon frère. Ibi niko nakwambia c'est la vérité. C'est que je vous dis Nicole. Siku bushima utashima maka. Le jour que ta vie va s'arrêter. Utakumbukaka hii prédication. Tu te souviendras de ça. Na utasemaka ilikuwaka vérité. Tu diras que bilikuwaka ni vya kweli. Tu utaona kusema. Parce que tu verras que Muntu yako na jiagite venema. Mume tajite bia bule bule anangaika bia ovyo bia bule. Tu as agité vainement. Ma chiku il a ripasa kujipreparer. Le jour dans lequel il devait se préparer. Il ne fait que monter des motos. À la recherche d'être aussi connu. C'est comme ça que l'homme a toujours été. C'est la vérité. Nikweli. Mungu abote umbariki. Que Dieu vous bénisse. Dio nduku. Mungu atakusambishaka. Dieu te jugera. Mwile mashiku alikupatia. Dans ces jours qui t'a loti. Ulifanya nayo nini? Qu'est-ce que tu as fait dans ces jours-là? Ulifanya nayo nini? Qu'est-ce que tu as fait avec ces jours? Parce que Mungu anakuuliza tena. Parce que si Dieu te posait la question même ce soir. Depuis nilikuita kwa hii mjumbe. Depuis que je t'ai appelé à ce message. Uko unafanya nini? Qu'est-ce que tu fais? Utajibu nini? Qu'est-ce que tu vas répondre? Hapa mbele ungali mjima. Pendant que tu vis encore. Kama Mungu anakuuliza utasema unafanya nini? Et si Dieu te posait la question qu'est-ce que tu vas donner comme réponse? Unapanga kupanda na kushuka. Tu ne fais que monter. Paka mubirima kupanda na kushuka. Tu ne fais que monter et descendre. Kwenda kwa Chinois. Aller chez les Chinois. Kwenda huko kwa mining ya huko. Aller chez les mining à gauche. Kwenda kwa mashamba. Aller au champ à droite. Kutumika ina mubaya. Travailler c'est pas mauvais. Mtoto wa Mungu anatumikaka sana. Eh, na fan de Dieu travaille. Mais yuko natumika. Néanmoins il travaille. Kile kiko namkaburia consolation. C'est qui lui donne ni garantie ile konayo. C'est la garantie. Anayua kusema hata kama mimi nakufwa. Même si jiweze kupotea. Je ne serai pas perdu. Mtu ile namna iko natumika bien. Un homme pareil travaille correctement. Iko natumika à l'aise. Travaille mzuri. Parce que vie yake. Parce que sa vie. Iko mu sécurité. Elle est katika ukingo. Ndani ya maisha yake. Dans sa vie. Anayua hata kama anakufa mashamba. Même s'il mourait au champ. Ashida poté. Il ne sera pas perdu. C'est la vérité. Ni kweli. Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Andaria tu bantu frère. Mais regardez des gens frère. Oh, écoutez ces bantu amiga bana wakokolewa. Pour voir que beaucoup de gens ne sont pas sauvés. Kama mtu hata kazi na mwisho. Si quelqu'un même il perd son emploi. Unaona mtu anakonda anakonda sana. Vous allez le voir, il va maigrir, il va fondre. Ile yote ni nini? Tout ça c'est quoi? Njoo kule kulikuwa kitumaini kyake kyote. C'est là qu'était toute son espérance. Mon Christ frère. Un chrétien mwenye kokolewa. Il est sauvé. Ashiwekai kitumaini kyake hata mukazi. Il ne place pas son espérance dans son travail. Hapana frère. Non mon frère. Eko na wewe kitumaini kyake paka ndani ya Mungu. Il ne place son espérance. Tu anajua kusema vitu vyote vya pa dunia. Parce qu'il connaît que tout ni paka bya muda. Ce sont des choses temporaires. Hakuna kamilele. Il n'y a rien d'éternel. C'est la vérité. Ni kweli. Uko unaona mtu bana mwiba franga. Vous allez voir quelqu'un on le vole l'argent. Anapiga crise. Il pique la crise et il meurt. Hapana frère. Non mon frère. Mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Saka muroho yake mko kile kinamtuliza. Dans son cœur il y a quelque chose qui le calme. Hata kama mambo yanakuwa ya je. Quoi qu'il arrive. Uko na ule anamtuliza. Il y a quelqu'un qui le tranquille. Muroho ya mkristo munaikalaka kitu kile kinamtuliza. Dans le cœur d'un chrétien il y a kitu maini yake kunaweka paka ndani ya Mungu. Son espérance il le place en Dieu. C'est la vérité. Ni kweli. C'est pourquoi kila ndugu na kila dada. Kwa maana chaque frère et chaque sœur. Wakati uko naishi. Lorsque tu vis encore. Uko na mavazi. Tu as des vêtements. Uko na biakuria. Tu as la nourriture. Ukuye tena na hakikisha kusema kuna Roho Mtakatifu. Et encore la certitude que tu as le Saint-Esprit. Na ushakuzalika mara ya pili. Et que tu es déjà né de nouveau. Kama haina vile. Si tel n'est pas le cas. Mashiku yako mwi dunia. Tes jours sur la terre. Unaipitisha mubaya sana. Tu les as traversés vraiment en vain. Et puis ça mubaya ça. Tu as traversé tes jours en vain sur la terre. On est puis ça sa nyama. Tu as perdu ton temps comme un animal. Ah oui, puis ça sa mon Christ. Tu n'as pas perdu ton temps comme un chrétien. C'est la vérité. Nikweli. Mungu abote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Jubile biote kuna tumika hivi. Parce que tout cela que tu fais comme travail. Angalia vile mtu wa Mungu kuna sema. Regardez ce que cet homme de Dieu dit. Ecclesia. Mubiri. Mushikie mbele mtu wa Mungu. Écoutez d'abord cet homme de Dieu. Napendaka kumusoma. J'aime souvent les lire. Ecclésiaste chapitre 5. Mubiri sura ya 5. Niko naanzia mu verset yake 12. Je commence par le verset 12. Mais niko na besoin na verset yake 14 na 15. J'ai besoin du 14e et du 15e verset. Biblia iko nasema hivi. La Bible dit ceci. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Kuku bubaya bwa non bule miliona chini ya dunia. Unaona Biblia frère inasemaga maneno bien. La Bible parle très bien. Asema kuko mambo moya ya mubaya sana. Ya un mal très grave. Aina paka mal bure. Aina tu bubaya bule. Ni bubaya bwenye bubaya sana. Elle est très grave, mal vraiment grave. Seke bubaya bumoya kama mtu anabufuanya. Un mal lorsque quelqu'un le commet. Seke anafuanya bubaya kupita mabubaya ingine. Il fait un mal de plus que les autres mal. Oui frère. Dio nduku. Des richesses conservées pour son malheur. Mali unachunga juu ya ole yako. Pour celui qui la possède, qui les possède. Wa ule konayo. Ces richesses, imali, se perdent par quelques événements fâcheux. Iko na potea kufuatana na mambo ya mbaye ile konayo. Il a engendré un fils. Arizala mtoto mwanaume. Et il ne reste rien entre ses mains. Na shibaki na kitu mikono yake. Angalia sasa 14. Regardez 14. Comme il est sorti du ventre de sa mère. Paka vile alitoka mtumbo ya mama yake. Il s'en retourne ni ainsi qu'il est venu. Anarudia utupu paka vile alikuja. Et pour son travail, juu ya kazi yake, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Ashibebe mkitu ataki moye kila atabeba mgono. C'est encore là un mal grave. Il est tenanayo njobu baya mwingine wa mubaya sana. Il s'en va comme il est venu. Anenda paka vile alikuja. Quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Ni faida kanila tapatia mukisha kutumika sawa kufukuza mpepo. Asema ni bubaya wa hatari. Sema liki est très grave. Mungu apate kumbariki. Je vous bénisse. Na ile nkosa wewe hapana kuifanya. Mais cette erreur là toi il faut pas le commettre. Unatumika miaka na miaka. Tu as travaillé des années, des Jou années. Uchunge ko kitu fulani ni mzuri. Pour que tu conserves quelque chose, c'est bien. Mungu apate kumbariki. Je vous bénisse. Maintenant kama unakufa sasa. Et alors, si tu mourrais, utaenda wapi? Où iras-tu? Kama ukupataka Mungu mvi yako. Si tu n'avais pas reçu Dieu dans ta vie. C'est que mtu wa Mungu anasema. L'homme de Dieu dit. Ni nkosa moya munene sana. C'est un grand mal. Est-ce que tu pas moya? Sommes-nous ensemble? Anasema ile ni kosa moya mbaya. C'est une grosse erreur, un grand mal. Ile mtu anaweza kufanya pa hii dunia hii. L'homme peut commettre sur la terre. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est que ni nkosa moya munene. C'est vraiment un mal. Pale ulikuwa pa hii dunia. Lorsque tu étais sur la terre. Bantu walianza kukuheshimia. Les gens te respectaient, t'honoraient. Na wewe ulisikia bien. Toi aussi tu te sentais bien. Bali kuheshimia hata mkanisa yenu. Tu t'honorais même dans ton église. Mu famille yenu ko respecté. Dans ta famille tu es vraiment honoré. Ni kitu kizuri. C'est une bonne chose. Mais kama una na Mungu. Mais si tu n'as pas Dieu. Unafanya kosa moja munene sana. Tu as commis une grosse erreur. Unafikisha familia yako ikuheshimie. Tu as poussé à ce que ta famille puisse te respecter. Église ikuheshimie. Que l'église te respecte. Ba voisin na barafiki yako bakuheshimie. Tes voisins, tes amis te respectent. Na unajishikia kusema uko fier. Tu te sens vraiment très fier. Mais unashindwa pas kupata Mungu. Mais tu as seulement manqué de recevoir Dieu, d'avoir Dieu. Unafanya kosa moja munene sana. Tu as commis une très grave erreur. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Unafanya kosa moja munene sana. Tu as commis une grosse erreur. Parce que huyu mtu wa Mungu anaendelea kusema hivi. Parce que cet homme de Dieu continue en disant ceci. Tusome mbele huyu ni David qu'on asema. Disons celui-ci c'est David qui dit. Mu Mazaburi. Dans les psaumes. Chapitre yake 49. Sura yake 49. Verset yake 17. Mstari ya 17. Jusqu'à 21. Kufika na makumi mbili na moja. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ok. Mzuri. Biblia nasema hivi. La Bible dit. Tuanzie pas 17. Mais niko na besoin la 21. Par le verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Ushikwe na boka juu unaona mtu anatajirika. Hapana kumuogopa. Il faut pas le craindre. Mtu asipo Mungu ni nyama. Un homme sans Dieu c'est un animal. Oui frère. Diondoku. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. Du mari ya nyumba yake inazidi. Wewe unaanza kumuogopa. Toi tu commences à le craindre. Parce que ndio tabia ya banadamu. Parce que c'est ça l'habitude des humains. Car. Kwani? Il n'emporte rien amoura. Achezi kubeba mukitu wakati atakufa. ces trésors, il est maliaque, ne descendent pas après lui. Ayezi kwenda naye mukaburi. Il aurait beau de s'estimer heureux pendant sa vie. Aruwezi kujitapa wakati alikuwa mjima. Il aurait beau de te louer. Ilikuwa ya mafaa kujitapa. De jouissance. Ya furaha. Que tu te donnes. Ile unajipatia. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères. Ata vile utaenda mumasiku ya baba. Qui jamais ne reverront la lumière. Mule utaonaka kamwe nuru. L'homme qui est en horreur. Mutu et qui n'a pas d'intelligence mutu wasipe kwa na akili, est semblable aux bêtes qu'on égorge. Anafananisha na banyama wale wako na chinja. Mungu apate kumbariki. Mungu apate kumbariki. Ule mutu mwenye alikuwa na heshima. L'homme qu'on respectait, qu'on honorait. Washipo kuya na akili. Mais qui n'est pas intelligent. Ashiachane na banyama babeko na chinja. Il n'est pas différent des bêtes qu'on égorge. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? C'est la vérité, frère. Kweli. Mutoto wa Mungu frère ni mutu yuko na akili. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est intelligent. Mungu anakusaidia. Dieu t'aide. Ukingariki na bujima na leo. Tu as encore la vie jusqu'à aujourd'hui. Nijuu ukue na akili. C'est pour que tu sois intelligent. Ndani ya maisha yako. Dans ta vie. Apana kutenda mukuimite ba païen. Il ne faut pas agir en imitant ba pagano. Apana frère. Non, mon frère. Apana dad. Non, ma soeur. Parce que ba pagano boba nekalamu kutafuta tuvumu. Parce que les païens cherchent de l'honneur. Mu Christ asina na kuishi pa hii dunia. Un chrétien ne peut pas vivre. Mu kutafuta concurrence. La terre kutafuta kubechana. Apana frère. Non, mon frère. Apana dad. Non, ma soeur. Mu Christ yako na jipreparé. Un chrétien se parce que kumbele yake. Parce qu'au devant de lui. Kuko rendez-vous munene. Il y a un grand rendez-vous mapatano mkubwa. Wakati atafika pa ile fwashi. Qu'il arrivera à ce niveau, atapita apoje. Comment est-ce qu'il va traverser? Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité, frère. Ni kweli nduku. C'est la vérité, ma soeur. Ni kweli dada. Hapana kubakia tu mkwelengama pa hii dunia. Ne restez pas distrait dans ce monde. Mukutafuta paka bitu vya pa hii dunia. À la recherche de bien matériel de ce monde. Ah, frère. Non, mon frère. Bitu vile biko natufikia. Les choses qui nous arrivent. Tuko nona bantu walikuwa katikati yetu vile biko natuacha. Nous voyons les gens qui étaient avec bila nous. Bila pasha kutulamusha. On doit nous éveiller. Tupate kuyua kusema na jitu tapitaka siku moja. On sache qu'un jour nous aussi nous passerons. Nous devons méditer. Nous devons nous poser des questions. Lorsque notre vie va s'arrêter, où irai-je? Mashiku Mungu anakupatia frère. Les jours que Dieu t'a loti. Il anakupatia dada. Les jours que Dieu t'a loti, ma sœur. Hapana kucheza nayo. Faut pas jouer avec ces jours-là. Hapana kucheza nayo hata. Ne joue pas avec ces jours-là. Hapana kuya sana nyama. Ne sois pas comme une bête. Mu Kristo anegalaka na akili. Un chrétien il est intelligent. Na ndio kwa maana unaonaka ba Kristo. C'est pourquoi vous voyez. Mu maisha yabo. Dans leur vie. Bane galaka mkubeba paka bile bien kwa bien bien sawa. Il ne prend que des choses. Kila anaona kila kiamana na kiacha. Qui n'a pas de sens, il les laisse. C'est comme ça que les chrétiens se comportent. Il ne faut pas te charger des choses inutilement. Apana frère. Non, mon frère. Apana dad. Non, ma soeur. Il faut wakati bushima buko na shimama. Il faut que lorsque ta vie va s'arrêter, roho yako inatoka msalama. Que ton cœur puisse aller en paix. Fana kujituka bya kujituka twika. Il faut pas te charger des choses inutiles. Uko naona mtu anahangaika. Vous allez voir quelqu'un qui agit. Anaingia ndani huku. Il s'endette à gauche. Anaingia ndani huku. Il s'endette à droite. Anaingia ndani huku. Il s'endette. Jua uze motoka. Ça est là pour payer une voiture. Mukristo ashikale ke vile. Un chrétien ne peut pas agir ainsi. Est-ce que tu peux mourir? Mukristo ashitenda ke vile. Un chrétien ne peut pas agir de la sorte. Motoka yenye ko natafuta kuuza. Mais la voiture qui cherche à. Ainataka kufua transport. Ce n'est même pas pour l'aider à transporter. Ni juna yeba muone sana kalaka na motoka. C'est pour qu'on le considère aussi quelqu'un qui a une voiture. Apana frère. Non mon frère. Apana dad. Non ma sœur. Il a un combat yetu. Ça ce n'est pas notre combat. Ce combat yetu ni juu ya manafsi yetu. Notre combat à nous c'est pour nos âmes. Jo ile tuko na kombania bushiku na mchana. Voilà le combat pour lequel nous faisons. Kila wakati niko na pima vie yangu. Chaque fois je pèse ma vie. Mukuangalia ni wapi kule nilikosea wa milele. En regardant où est-ce que j'ai. Jo combat ya bushiku na mchana. Voilà le combat que je mène tous les jours. Oui frère. Dio duku. Mu Kristo ndio vile anekalaka. Un chrétien c'est comme ça qu'il se comporte. Tusome ingine andiko mu Efesio. Lisons une autre écriture mu Efeso. Chapitre 5. Sura 5. Efesio chapitre 5 15. Wa Efeso sura 5 15. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Prenez donc garde. Musopoke basi. Efésiens chapitre 5 verset 15. Wa Efeso 5:15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mungu apate mbariki. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alakini mupate kuelewa mapenzi ya Mungu iko wapi. Biblia inatuambia waji. La Bible nous dit ouvertement. Musopoke. Faites attention, prenez garde. Musijongoze sawa bajinga. Ne vous conduisez pas comme des insensés. Lakini mujongoze sawa tubenye kwa na hekima. Mais conduisez-vous comme des sages. Mukombole wakati. Rachetez le temps. Juma shiku diko amo ni mashiku mubaya. Car les jours dans lesquels nous sommes sont mauvais. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Wakati Mungu anakupatia. Le temps que Dieu t'a loti. Kila minute ile Mungu anakupatia. Chaque minute que Dieu te donne. Kila battement ya roho ile Mungu anakupatia. Chaque battement du cœur que Dieu t'a loti. Iko important sana juu ya bujima bwako. Ni amafa pour ta vie. Est-ce que nous pamoja? Sommes-nous ensemble? Ile ma minute Mungu anakupatia. Les minutes que Dieu te donne. Na ile wakati roho yako kingariki napika. Et les battements de ton cœur que Dieu te donne. Hapana kucheza na bujima bwako. Il faut pas jouer avec ta vie. Sinon, t'as regretté. Sinon, iko na bei sana. C'est très précieux. Du kama unapitisha ile ma minute. Si tu perdais ces minutes. Unapitisha ile mabattement ya roho yako. Et que tu perdais tes battements. Unajitukua bujima unashibama. Et que tes jours s'arrêtent. Bila wewe kufuana kenye kwake kabaila. Sans faire ce qui est essentiel. Uta regretta kasa. Tu regretteras plus tard. C'est pourquoi iko ya mafa sana. Kwa maana c'est très important. Kwa kila ndugu na kila dada. À chaque frère et à chaque sœur. Pale ukingariki na bushima. Lorsque tu vis encore. Kama naweka mkono kuro. Si tu touches ton cœur. Unasikia iko na fatiki. Tu sens les battements du cœur. Parce que kwa mashiku ingine haitapikaka. Il y a d'autres jours que le cœur ne va plus battre. Wakati ngari na pika. Lorsque le cœur bat encore. Uji prepare. Prépare-toi. Uji prepare frère. Prépare-toi mon frère. Uji prepare dada. Prépare-toi ma sœur. Siku moja. Un jour. Bantu ndio batakuya. Les gens viendront. Bonjo batapima paro ya. Ceux qui vont tester les battements du cœur. Asema pana roi pique pique tena. Non, c'est fini, son cœur ne bat plus. Momo pime mbele kuma appareil. Essayez un peu avec des appareils. Asema tout se calme. Non, kunaisha biote binasima. Non, non, la ba minganga vile banekalaka. Vous savez vous ce que les médecins font? Batapapa tu basi yasema. Ils vont faire seulement des signes comme ça, non. Le cœur vient de s'arrêter, hein. Asema cha kushima. Non, c'est fini, il est parti. Ile siku iko hako. Ce jour là. Apana kufanya sambla. Ne fais pas. Asema ubiri ya hivi. Les prédications pareilles. Bato bapendaki kuishikia. Les gens ne l'aiment pas. Est-ce que tout va bien? Banaona kasa. Il croit que vous allez kaburia boka. C'est comme si vous le faites. Aina kukaburia boka. Ça va pas vous faire terrain. Maman, ni uji prepare. Tu hata kama unaogopa. Hata kama uogopi ile siku hiyo itafika. N'a pas peur. Certes ce jour là viendra. Apana kuogopa. Il faut pas avoir peur. Siku kwako frère. Le jour est là mon frère. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère, chaque sœur. Eko na siku yake. Il a son jour. Ile bujima utashiba. Aina mimi niko nasema. Ta vie va s'arrêter, c'est pas moi qui l'ai dit. Ule Mungu alikumba. C'est Dieu là qui t'a créé. Akakuweka mwi dunia. Il t'a placé sur la terre. Dieu a riweka ile siku. C'est celui là qui a placé ces jours là. Ile kila ndugu na kila dada. Là où chaque frère et chaque sœur. Ashita itambukaka. Il ne peut pas franchir. Maintenant pale uko na bujima pale. Lorsque tu as encore la vie. Mbele bantu banze kupima na kama ni microscope. Avant que les gens ne puissent te tester avec des microscopes. Kama ni binini banapimaka na bio. Stethoscope. Ah, stethoscope. Mbele ya ile shiku ya kukua ya kupima. Bale wata kitu kamwe bakavalaka mshingo. Ale stethoscope. Bale wa frère ndio bana yu. Ce sont ses frères ici qui commencent. Bananza kukupima hivi. On va maintenant tester les battements de ton cœur. Hakuna kitu. On dit oh, le cœur n'est pas plus. Ile shiku iko hako. Ce jour là est là. Apana kusahabu frère. Il faut pas l'oublier. Na ndio kile Mungu alitupatiria hii message. C'est ça la raison. Ni juba ndugu bashi sabu eh. Pour que les frères ne puissent pas oublier. Parce que dunia hii. Parce que ce monde ici. Mtu asikawake na kusahabu. L'homme ne tarde pas à oublier. Apana kusahabu. Il faut pas oublier. Ile battement ya roho yako ingana pika. Ton battement de cœur là qui se fait. Apana ku négliger. Faut pas le négliger. Est-ce que tu pas Sommes-nous ensemble. Ujitayarishe. Prépare-toi. Parce que mutoto wa Mungu abia kweli. Parce qu'un véritable enfant de Dieu. Anekala karisha kujitayarisha. Il se prépare. Eko na chunga ile shiku. Il attend seulement ses jours. Kama inafika. Dès que ça arrive. Eko na ingia amo bien. Il va entrer correctement. C'est pourquoi on a chiqué mutu sa Paul. C'est pourquoi vous avez entendu. Angeweza kusema mashiku yake. Paul, il a dit dans ses jours. Asema niko tayari ngambo yote. Je suis prêt de tous côtés. Est-ce que tu peux m'aider? Si c'est la mort qui arrive, kuingia, je suis prêt d'y entrer. Est-ce que tu peux m'aider? Je suis encore prêt. Pendant que je vis encore, que je puisse servir Dieu. Je vis le Christ, c'est comme ça qu'un chrétien. C'est mon bien, frère. En tout, mon frère. Niko tout terrain. Je suis prêt. Na penda kutumikia Mungu. J'aime servir Dieu. Mina penda ta niende karibu na Yesu. Encore partir, aller près de Jésus. Niko tayari. Je suis prêt en tout. Mutoto wa Mungu avia kweli. Un véritable enfant de Dieu. Na yana pasha kuya tayari mwile aussi doit être prêt de cette manière-là. C'est la vérité, frère. Ni kweli nduku. C'est la vérité, dad. Ni kweli dad. Parce que kama mtu frère ko tayari. Si une personne est prête. Ndani yake. En lui. Arisha kupata kile kinamfariji. Il a déjà reçu quelque chose qui le console. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Ndio pale unaonaka mtu mbele ya lufu. Pourquoi vous verrez quelqu'un avant? Eko na iminimize. Ana beu la lufu. Achiole, c'est ma peau qui tout qui manque à ma foi. Je ne vois pas qu'il y a quelque chose de très spécial. Parce que Jésus-Christ n'est pas là, il ne croit pas idunia. Pourtant, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, avant de partir, il disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Que Dieu vous bénisse. Il est une consolation à qui l'a mon Christ. Ça, c'est la consolation pour chaque personne. Il a cru en Jésus-Christ. Achiole, qui a troublé na kintu. Il ne peut pas être troublé par quoi que ce soit. Parce qu'il sait que Jésus-Christ est Jésus-Christ dit, lisons d'abord cette écriture. C'est une écriture que vous connaissez. Jean chapitre 14. Johanne 14. Verset 1er. Nous serions à quoi ça? Il dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Jésus-Christ arienda. Jésus-Christ était parti. C'est pour nous préparer une place. Nous sommes ensemble. Dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures. Jésus-Christ ne peut pas mentir. C'est ça la consolation des chrétiens. Il sait que là où je vais, il y a celui qui m'a précédé. Et celui qui m'a précédé, c'est Jésus-Christ. Même si ma vie s'arrêtait, il n'y a rien. C'est d'ailleurs, là. Et d'ailleurs, cette vie qui est dans ce corps corrigible, ce corps qui sent mauvais, même si ce corps reste, c'est un manteau. Que Dieu vous bénisse. Jésus arisha kuenda. Jésus est déjà parti. Kututayarishia mankoti ya sasa. Vous préparez de bons manteaux, de nouveaux manteaux. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Angaria ta mumwirum. Regardez même dans ce corps humain. Kama mtu anauza koti ya sasa. Lorsqu'une personne paye un nouveau costume, ya bei cher. Eko na mankoti pengine ya 100 dollars. Il en a peut-être de 100 dollars. Mungu anamsaidia anapata kwa anauza koti sasa ya 500 dollars. Dieu l'aide maintenant il paye un costume de 500 dollars. Et quoi dans son cœur, elle n'a pas comporté ses pagnes là, elle ne sera pas contente. Est-ce que tu pas moi? Sommes-nous ensemble? Maintenant, dans ce costume que nous avons, Jésus a dit que ceci c'est maintenant, moi, mushangaike. Ne vous inquiétez pas. Moi, tu pagano bangaike dunia. Bangaike tufumu. Bangaike mali. Mais moi, mubakie tranquille. Mina mi précédé quelque part. Naenda kumitayarishia. Mili ingine. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Oui, frère. Dion Duk. Anenda kututayarishia ingine miri, frère. Il est allé nous préparer d'autres corps. Mula mwikalake douleur. Là où il n'y a pas maumivu. Haikalake mo. Il n'y a pas de douleur là. Amwikalake uzuni. Il n'y a pas de tristesse. Ndio combat tu kunayo, frère. Voilà les combats que nous avons. C'est que wakati tu kunaishi. Lorsque nous vivons. Tu kunapenda pale niko na bushima. Nous voulons pendant que je vis. Nikuya na hakikisho ya kusema. Que j'ai la certitude. Kule Yesu alienda. Jésus était parti. Fwasi yangu iko wako. Ma place y est. Est-ce que tu pas sommes-nous ensemble? Fwashi yangu na mimi iko hapo. Place aussi y est. Est-ce que na wewe fwashi yako iko hapo? As-tu aussi une place là-bas? Ndio question wewe kujiuliza hii magharibi. C'est ça la question qu'il faut te poser ce soir. Yesu Kristo alienda kutayarisha fwashi. Jésus-Christ est allé préparer la place. Ya batoto yake pour ses enfants. Il n'est pas allé préparer la place pour tout le monde. C'est pourquoi chaque frère dans tes jours sur la terre, tu dois avoir la certitude que lorsque Jésus-Christ était parti, il y a aussi ma place. Est-ce que ta place y est? As-tu une place, mon frère, là-bas? Ma soeur, as-tu une place là-bas? Oui. Toi là. Moule mumbingu, là au ciel, où il y a Jésus. Ma foi, j'ai rien à vous là où il est allé préparer des demeures. Kama ananza kuangaria. S'il regarde. Anasema sema Omari. Il dit Omari. Hii ni fuashi ya Omari. Ça c'est la place de Omari. Na wewe weke njina yako kama ile fuashi kwako. Place ton nom si tu as une place là-bas. Place ton nom là-bas. Est-ce que fuashi yako iko kwako? As-tu une place là-bas? Wewe peke uko nanga unaangalia tu wewe peke maisha. Toi-même tu examines seulement ta vie. Par rapport à sauti ya Mungu. En comparaison avec na ma ambition ya roho yako. Et les ambitions de ton cœur. Tu diras non. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Tu kama mumbingu mulikuwa fashi yako frère. Si au ciel il y avait ta place mon frère. Attitude yako. Ton attitude à toi. Ali yako. Munamna kona chukua mambo ya Mungu. La manière dont tu considères. Il passe à prouver qu'il est kintu. Ça devait prouver la chose. Je m'en vais vous préparer une place. Naenda mitarisha fazi. Fashi yako kule est-ce que kwako? Ta place à toi là. Est-ce qu'elle est là? C'est ça la question qu'il faut te poser. Si tu n'as pas de place là-bas, sache que tu es trop malheureux. Les véritables enfants de Dieu, ils ont leur place là-bas. Que Dieu vous bénisse. Chaque frère et chaque soeur doit avoir la conviction que sa place y est. Lisons une écriture. De Corinthiens. Wa Corinto, wa Pili. Je poursuis le temps. Je ne sais pas si je vais terminer. De Corinthiens chapitre 5. Wa Corinto wa pili sura 5. Verset yake premier. Mustari ya kwanza. Jusqu'à D. La Bible dit ceci. Nous savons en effet. Tunajua kwa kuwa. Que. Ya kwamba, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, kama iye mamule tunekala hapa pa dunia inaharibika, nous avons dans les cieux un édifice tuko na kumbingu majengo moya qui est l'ouvrage de Dieu yenye kwa kazi ya Mungu, une demeure éternelle makao ya milele qui n'a pas été fait de mes domes yasipo kufuaniwa na mikono ya bantu. Mungu apate kumbariki. Dieu vous bénisse. C'est que tout qu'on a il est qui sont à nous avons cette assurance et nous connaissons. Atakama hii mwili na haribika. Même si ce corps ici est détruit. Mais Yesu alishakwenda. Mais Jésus est déjà parti. Tuko na manyumba ingine. Nous avons d'autres demeures là-bas. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mutoto wa Mungu abia kweli. Un véritable enfant de Dieu. Anaikalaka na ile hakikisho. Il a cette certitude. Na frère Branham ko nasema hivi. Frère Branham aussi le dit. Oui, message les choses qui sont à venir. Paragraphe 28. Frère Branham anasema hivi. Frère Branham dit ceci. Par conséquent. Kwa kuwa, paragraphe 28 D. Nukta yake makumi mbili na munane kipande ya tatu. Par conséquent, ile, nous savons que Jésus est allé nous préparer une place. Sema Yesu, fazi. Il est allé préparer une place fazi. Pour accueillir un groupe de gens Jua auprès de lui. Kundi ya watu ya naye. Quant à savoir qui sont ces gens, kujua, j'espère que c'est. Mina wazia sema dada. Que nous faisons partie de ces gens ya kwa masisi, tuku kundi ya wale ce watu, soir. I mangaribi ya leo. Si ce n'est pas le cas, mon ami, kama aina vile rafiki, Dieu a établi un moyen, Mungu alitayarisha namna, une condition, kanuni moya, qui vous permet d'en faire partie si vous le voulez. Ile takuruhusu na wewe uko mkundi ya bale kama unapenda. Vous avez votre libre arbitre. Uko na kipendaro yako ya kuchakula. Vous pouvez agir comme vous voulez. Unawezi kutenda vile unataka. Mais, alakini, à présent remarquez, hapa sasa mwangalieni. Donc, basi, Dans ce monde à venir, mui dunia la takuya, il y a un monde à venir. Muku ulimwengu ile takuya. Yesu alienda kutayarisha mafuashi. Jésus est allé nous préparer des plats. Tu as un kundi fulani ya bantu. Pour un groupe quelconque de gens. Lakini kuko namna ile mtu anaweza kuyamkile kikundi. Mais il y a une manière d'être dans ce groupe. Ni kufuatana na kuchakula kwako kwa kipenda roho. C'est conformément à ton libre arbitre de choix. Namna uko na chakula. La manière dont tu choisis. Ndio namna unaweza kupatikana mwile group. Cette manière là que tu peux être de ce groupe. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que mon Christ mtoto wa Mungu abia kweli. Un chrétien véritable enfant de Dieu. Mwenye kuyoa kusema mwili yake ko kule. Qui connaît que son corps. Mtungia fuashi. On lui a réservé une place. Vie yake frère. Sa vie à lui nduku maisha yake. Eko paka na furahiwa paka na vitu vya kumbiku. Il ne se réjouit seulement des choses du ciel. Est-ce que tu vas pas moi? Sommes-nous ensemble? Ibi bitu vya kwa dunia ibi. Ces choses ici terrestres. Abi mfurahishe tena. Ça ne l'intéresse pas davantage. Ndio vile Biblia iko nasema mu Romains chapitre 8 shina na wakati kuisoma. C'est dit Romains chapitre 8, j'ai pas le temps de le lire. Kama mtu yuko naishi katika roho. Si quelqu'un vit en esprit. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Ni mwenye kupenda sana, ni mwenye kuambatana na vitu ya kumbingu. Mais kama mtu yuko naishi juu ya kimwili. Mais s'il vit à cause de cette chair. Il s'affectionne aux choses de la terre. Maana atapenda sana vitu ya dunia. C'est un homme charnel. Ni mtu wa mwili. Anapenda sana vitu vya mwili kupita vya kiroho. Il aime plus les choses charnelles de la vérité. Les choses. Mungu apate kubariki. Que Dieu bénisse. Na frère Branham yuko nasema. Et frère Branham dit, kama unapenda kuyua. Si tu veux connaître. Kama mumbingu mko fuashi yako. Si au ciel là-bas il y a ta place. Unapasha kuangalia roho yako. Tu dois examiner ton cœur. Ndani ya roho yako. Dans ton cœur. Munapasha kulamuka profondeur. Il doit s'élever ou pas na moyo hivi. Parce que quelque part il y a kitu kiako. Parce que quelque part il y a. Oui, dunia unapasha mulamuke profondeur. Dans ce monde ici. Ile huko nasikia hamu ya mingi sana. Ya we kwenda kukutana na Yesu. Aller se rencontrer avec Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Upana iko naita upana ingi. Yesu alienda kututayarishia fuashi. Jésus est allé nous préparer une place. Na anasema très bien. Et il a dit. Kama ikukuya vile nilipasha kumwambia. Si n'était pas ainsi, je devais vous le dire. Maintenant angalia attitude yako. Maintenant regarde ton ali yako. Attitude yako nduku. Ton attitude mon frère. Est-ce que mule muro yako? Est-ce que dans le fin fond de toi? Uko unapenda Yesu akuye? Est-ce que tu veux que Jésus? Ah, uko unapenda kukutana na Yesu? Bien tu veux te rencontrer. Ah, ro yako isha kulala paka mudunia. Bien ton cœur est endormi. Dans le monde. Uko natafuta paka tuvumu. Tu veux seulement l'honneur. Uko natafuta paka mabitu paka bya kimwili. Tu ne cherches que des choses. Joye ya kuya mangaiko yako. Voilà ce qui est ta préoccupation. Kama njo vile wiko. Si c'est ce que tu es. Kule hakuna fuashi yako. Là au ciel il n'y a pas ta place. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mais hii mangaribi. Mais ce soir ici. Kila nduku na kila dada. Chaque frère, chaque soeur. Eko na shwaya ye kubeba. Eko na kuchagula kwa ye kuchugua. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Kama leo naweza kubeba decision. Aujourd'hui tu peux prendre une décision. Ya kusema kuanzia hapa. Dit dorénavant. Mimi nashibamisha hii voa. J'arrête njia. Mimi napenda kumgeukea Mungu. Je vais me tourner vers. Tuna mifuasi yangu ipatikane kule. Ma place puisse aussi s'y trouver là-bas. Na muroho yako. Et dans ton cœur. Il faut uombe Mungu akusaidie. Tu pries que Dieu t'aide. Ala musha masantima ile inakalaka na ba Kristo. Ya we kutamani sana kwenda karibu na Yesu. De vouloir être à côté de Dieu. Ni paka mwile namna hii. C'est seulement cette manière là. Kama unapenda. Si tu le veux. Flash yako na weta patika. Ta place aussi sera là. Parce que frère Branham anaendelea kusema. Frère Branham continue à dire. Kama hapa uko na kuzima. Si pendant que tu vis encore. Au kufanya yote ile kwa pouvoir yako. Tu n'avais pas fait ce que tu pouvais. Tunaweba kuchungie fuashi kule. On te réserve une place là-bas. Siku mzima utashibama. Le jour que ta vie va s'arrêter. Au utaonaka kukupokelea. Tu ne verras personne pour t'accueillir. Je voulais prendre un ingé misomé au sein de la musique. Je pouvais vous le lire mais le temps est parti. Auta onaka wakukupokelea. Tu ne verras personne pour t'accueillir. Hata kama unakufa. Même si tu meurs. Auta onaka wakukupokelea. Tu ne verras personne pour t'accueillir. C'est pourquoi leo palongana bujima. Aujourd'hui pendant que tu vis encore. Jo wakati wa web na weba kutungie fuashi. C'est le temps pour qu'on puisse te. Beba roho yako. Prends ton cœur. Beba maisha yako. Prends toute ta vie. Uitoe kwa Yesu Kristo. Consacre-la à Jésus-Christ. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Tosha bubumbafu ba kuhangaikia paka miotoka. Ote la sottise de se préoccuper de. Bubumbafu ba kuhangaikia paka manguo. Se préoccuper seulement pour les habits. Kuangaikia paka mavazi. Preoccuper seulement pour. Kuangaikia paka tuvumu. Preoccuper pour l'honneur. Tosha ile ni bubumbafu. Ça c'est une sottise. Mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Eko na jiaffectionner paka aux choses d'en haut. Mwenye kuambatana sana na vitu vya. Pake kule kuko sehemu yake. Là-bas il y a sa part. Iko kule. Il y a sa part là. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. anapasha kuangalia matitidi yake. Ba, isamine hali yake. Namna kuna reagi. Koma ile reagi, namna kuna tena. Frère Branham anendelea anasema. Frère Branham continue en disant. Anasema hivi. Il dit ceci. Asema angalia frère. Regarde mon frère. Kuko alama ingine ya mtu kujua kama fashi yake kukuna. Il y a un autre signe pour savoir si tu as des plaques. Kama injili kuna ubiriwa. Lorsque l'évangile est prêché. Ina hukumu pa maisha yako. Ça condamne sur ta vie. Ina kufanyaka we mubaya upendake. Ça te fait du mal et que tu ne l'aimes pas. Kwa kitu kimwa kende. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous pamoja? Sommes-nous ensemble? Parce que mon Bible, Bible qu'on a sema. Parce que dans la Bible on dit. Shina na wakati ya kumisomea. J'ai pas le temps de vous Mungu, lire. Dieu. Anegalaka mukupika fimbo ni bali anapenda. Il frappe ceux qu'il aime, il fouette ceux qu'il aime. Biblia inaleta exemple. La Bible donne un exemple. Moi bote bazazi, bora munapika watoto yenu fimbo. Vous tous les parents, vous châtiez vos enfants. Munamna yote ile unapenda. De toutes les manières. Ni juu ya kubanyolosha. C'est pour les corriger. Mais kama mtu asipendake kumunyolosha. Si quelqu'un ne veut pas être corrigé. C'est un enfant illégitime. Maka ni mtoto mwanaramu. C'est pourquoi kila nduku. C'est pourquoi chaque. Na kila dada. Chaque soeur. Unafanya kama evangeli natoka. Lorsque l'évangile sort. Yeye anatoka na toa kusema sema. Sort. Kule ngambo fashi yake inako. De l'autre côté il n'y a pas de sa place. C'est que uko incapable. Hauna na uwezo. Ya kusupporter correction. Ya kuvumilia kukunyolosha. Kwa kitu kimoja kiendeke. Ya quelque chose qui ne va pas. Mais watoto ya Mungu babia kweli. Les véritables enfants de Dieu. Wanapeleka neno ibanyoloshe. Nisema que la parole. Juba tembelea mukistari kwa sauti ya Mungu. Afin qu'il puisse s'aligner dans la parole. Wewe uko mtoto wa nani? Mais toi tu es l'enfant de qui? Parce que Jésus. Du Yesu. Est allé préparer une place pour ses enfants. Arienda kutarisha fazi ya watoto yake. Na bake batoto. Et ses enfants à lui. Kama na bareini. Lorsqu'il les réunit. Akiona mambo paka pike. Et qui va, ça ne va pas, il va fouetter. Tu vois, Yesu anikalaka. C'est comme ça que Jésus agit. Mais ouais, upendaki. Mais toi, tu n'aimes pas qu'on te corrige. Unatoka paka. Tu sors fâché. Kama mubiri fulani anahubiri. Si tel prédicateur prêche. Mina, usaka, unasikia mahubiri. Tu écoutes la prédication. Muroko unasema. Dans ton cœur, tu dis. Ataisha saka ni. Quand est-ce qu'il va finir, ce monsieur? Seke. Uko uko nafua nguvu yako yote sema anataka kusema pa ile mambo anataka kusema ajiseme ajiseme kisha na wewe fashi yako iko kule. Avec ça tu as aussi une place là-bas. Lomba Mungu akusaidie. Prie que Dieu t'aide. Tushimame tuombe Mungu. Mettons-nous debout pour la prière. Hapana frère. Non mon frère. Hapana dad. Non ma sœur. Ile ndio consolation ya ba Kristo. C'est ça la consolation des chrétiens. Oui frère. Ndio ndugu. Nani atakupokelea pale utakufa? Qui va t'accueillir lorsque tu vas mourir? Ni nani? C'est qui? Jésus est allé nous préparer une place. Yesu arenda kututarisha. Mais angalia attitude yako. Mais regarde hali yako yako. Est-ce que mule muro yako mule? Est-ce que dans ton cœur à toi? Muko upana. Y a-t-il une profondeur? Il est qu'on appenda Yesu akuye. Qui veut que Jésus revienne? Ndani ya roho yako. Dans ton cœur à toi. Attitude kana unekalaka nao kama injili kuna ubiriwa. C'est quelle attitude tu affiches lorsque tu vas? Wewe unapendaka kuishi muzambi. Et tu veux seulement vivre dans le péché. Mais upendake neno ya Mungu kunyoloshe. Tu veux pas que la parole de Dieu te corrige. Hapana frère. Non mon frère. Fashi yako inako. Ta place n'y est pas. Mungu anasema nijua na kuyua. Le dit parce qu'il Yesu arienda utaisha fashi ya bake batoto. Il est allé préparer la place. Mais mimi kona imani. Moi j'ai la foi. Ya kusema muikanisa. Dans cette église. Batoto ya Mungu bekuako. Les enfants de Dieu ici. Bale banapendaka Mungu abanyoloshe. Que Dieu puisse les. Na wakati Mungu anatuma neno kubanyolosha. Beko nafanya nguvu ya kujalinye ku ile neno. Fais un effort pour s'aligner à la parole de Dieu. Tufikiri. Méditons. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Tombe Mungu shibu. Prions tous ensemble. Tombe Mungu shibote. Prions tous ensemble.